Wesh mon sang, prépare tes tympans, Sam's Herbits à la production. Le mode S est activé. Misère à la prod, c'est de la boucherie. Les yeux rouges vivent, j'aime quand dans les retours ça croustille. J'aime quand le public me bac, fout le spell au chrome. Désolé si en freestyle radio, j'ai fait peur aux autres roues. J'ai tordu chaque mic, fait belle ça chauffe, tu sais. Y'a pas de gloire à faire bégayer des pétés de la sorte. Agressif à mort, mais j'apprécie la force. Si stream est caché, sa chaîne, pas les cris de la fosse. Crapule comme les porcs et l'argent trop terre. Comme compacter le bordel avec la porte de la chambre d'hôtel. En zoom, jamais rodave, ça fait l'odeur de frappe. J'aime quand le moteur me parle, j'encule les schmitts et les donneurs de blaze. Tu veux de la rime de luxe, vas-y viens je te sers. Indépendant, FDR, pas besoin qu'un major me tienne le sexe. Dans ce milieu, y'a des fanatiques, des types en transe. Trop de suçage de queue, des femmes douteuses comme la politique en France. Tes mains s'égarent, s'épuisent, le passé m'a pas séduit. Dans tous les cas, c'est cuit, sans balèque de ta sécu. Fais crisser la gomme à 130, je la couvrirai ta formation tendre. Tu débrouilleras pas sans cran, là je crois qu'on va pas s'entendre. Tes mains s'égarent, s'épuisent, le passé m'a pas séduit. Dans tous les cas, c'est cuit, sans balèque de ta sécu. Fais crisser la gomme à 130, je la couvrirai ta formation tendre. Tu débrouilleras pas sans cran, là je crois qu'on va pas s'entendre. Gamin du SGA, j'ai dû négocier chaque épingle. Veste qui le diable et fermine que tout allait bien. Ah ouais, gros, j'démarre. J'mets les gros d'accord, moi. J'suis pas de ceux qui collaborent avec Shaitan. C'est ruina dans ma tête. Dans ce rap, il faut la cote. Tant de crédit, hypocrisie semblable à leur taux d'alcool. Perso, j'aime pas qu'on me calcule, j'aime pas vos regards. Au fait, idéaliser l'artiste, comprends pas le but. Dans ma tête résonnent des bruits de gros moteurs. Accro de la route, j'crois que j'suis fait pour le pilotage. Côté passe, ferme ta gueule, un crypto fauteuil, Land Cruiser, j'passe la 6-210, j'ai pillé la rocade. J'ai l'impression d'avoir déjà eu Divi. Ce texte a commencé comme les mille autres que j'ai pas su finir. Ils partent au casse-pipe sans savoir qu'un filon ça se bosse. Quand j'fais les comptes, j'vois que j'ai vendu plus de pilons d'albums. Tes mains s'égarent, s'épuisent, le passé m'a pas séduit. Dans tous les cas, c'est cuit, sans balèque de ta sécu. Fais crisser la gomme à 130, j'la couvrirai ta formation tendre. Tu débrouilleras pas sans cran, là j'crois qu'on va pas s'entendre. Tes mains s'égarent, s'épuisent, le passé m'a pas séduit. Dans tous les cas, c'est cuit, sans balèque de ta sécu. Fais crisser la gomme à 130, j'la couvrirai ta formation tendre.